Le Tilleul par Albert-Émile Sorel. En rentrant chez lui, Michel Didier fut étonné de trouver sa chambre vide. Il venait de conduire à la gare sa femme et ses enfants qui partaient ce soir-là pour Biarritz, où il avait coutume de passer le mois de mars avec eux. Il fallait la commande urgente d'un portrait pour le retenir à Paris, et il maudissait le sort qui le contraignait, pour la première fois depuis 6 ans qu'il était marié, se séparer de ce qui lui était le plus cher au monde. Il était surpris, lui-même, de se sentir pour sa maison un si doux attachement. La solitude le déroutait. Dans la pénombre de son élégant atelier, une lettre de deuil l'attendait. Avec indifférence, il regarda l'adresse tracée d'une écriture inconnue et, distraitement, ses doigts ouvrirent l'enveloppe et déplièrent la page. Il lut le nom de Madame de N, née Irène de R. Les obsèques avaient lieu à Aix-sur-Seine, le lendemain à midi. Il relut, il ne pouvait s'y méprendre, il s'agissait bien d'Irène. C'était bien elle, sa famille, son mari, son père, ses cousins. Figuraient parmi ces noms et c'était demain à Aix-sur-Seine, départ à 10h45 par la gare de l'Ouest. Irène était morte. Quel âge avait-elle? 34 ans. En effet, il en avait 40. 7 ans déjà. Il croyait ses souvenirs défunts oubliés, anéantis. Il ne songeait plus à elle, depuis son mariage. Il ne l'avait revue que de loin en loin dans le monde. Il n'était même plus en relation de visite avec elle. Comment était-elle morte? Elle apparaissait à Michel ainsi qu'il l'avait connue, ainsi qu'il l'avait aimée, avec son visage mince de blonde, à l'ovale très fin, tel qu'on en imagine dans certaines légendes. Sa grâce, la distinction et l'harmonie de ses gestes souples n'ôtaient rien à l'apparence un peu délicate de sa personne, et son sourire n'effaçait pas la mélancolie de sa bouche, ni le mystère de son beau regard transparent. Les visions émergèrent de l'ombre de la mémoire et se précisèrent. Michel avait rencontré Irène peu de temps après qu'elle eût épousé M. de N. Son mari était sensiblement plus âgé qu'elle, homme actif, un principe intransigeant, très sûr de lui, pas très distingué de sa personne, orgueilleux et insignifiant dans la conversation, avec des appréciations cassantes. Il ne pouvait pas comprendre cette jolie âme, dont l'imagination élégante et romanesque se nuançait d'une sensibilité cruelle, et qui goûtait, avec un mysticisme inquiet, les séductions de l'art et de la vie. Un amour intempestif froissait cet esprit léger, comme une main grossière froisse une écharpe de linon. Irène était devenue la femme de M. de N, parce qu'on lui avait dit de l'épouser, et qu'après tout, elle avait été élevée dans le respect des convenances plus qu'avec l'idée du bonheur intime. Ce mariage de bon sens devait assurer à ses 23 ans une vie conforme à sa destinée. Irène s'était repliée sur elle-même, ainsi qu'un oiseau serre ses ailes pour se protéger contre le froid. Michel Didier était en bonne relation avec de N, qui le présenta à sa femme 2 ans après leur mariage. L'été, Michel, qui faisait des études de paysage dans les environs de Aix-sur-Seine, lui proposa d'essayer un portrait d'Irène. Il traversait la forêt en rêvant à son modèle, et il trouvait la jeune femme au fond du jardin, à l'ombre d'un tilleul odorant. Une larme semblait briller dans ses yeux. Le portrait fut achevé. M. de N fut obligé de partir pour un long voyage. Les parents d'Irène étaient aux eaux. Michel Didier revint. Maintenant, il s'asseyait à ses côtés, flattait ses tristesses et Irène, très désemparée, l'écoutait. Il était persuasif et patient. Ils s'aimèrent, après quelques semaines d'ébauches amoureuses, de griseries lentes, puis d'aveux qui étonnèrent, par la sincérité de leur accent, le sceptique Michel. Irène lui fut aimable, pour ses nobles scrupules, qu'elle est jusqu'au remords, pour ses angoisses, pour ses pudeurs effarouchées, pour la candeur de son âme et la grâce savoureuse de son abandon, pour la divine fragilité de sa jeunesse, pauvre petite Irène. M. de N ne se doutait de rien, naturellement, mais il éprouvait de subites jalousies, et il raillait la taciturne beauté d'Irène. Elle luttait contre sa passion qu'elle jugeait coupable. elle accablait Michel de reproches. Elle ne l'avait jamais autant aimé. Michel, au contraire, après un an, se lassa de ses révoltes incessantes. Il se sépara d'elle, par un soir semblable aux autres, un crépuscule d'été, pareil à celui où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Voilà 7 ans. Ils s'étaient mariés et le bonheur régnait sur ses jours. Certainement, Michel n'en doutait pas, l'existence d'Irène avait repris son cours normal. Monsieur de N paraissait le plus fortuné des mariés quand Michel Didier saluait Irène dans un salon. Elle lui adressait un sourire protecteur qui semblait dire « Je n'avais pas besoin de vous pour être heureuse. » Aujourd'hui, Irène avait cessé de vivre. Michel se demandait s'il irait à ses obsèques. Il lui devait bien ce suprême hommage. Monsieur de N, d'ailleurs, serait surpris de ne pas le voir. Il avait du chagrin. Michel, au fond, sympathisait avec lui. C'était un brave garçon. Enfin, Michel avait presque oublié cette demeure de X sur Seine, qui n'était plus qu'une maison fantôme dans son souvenir. Il était attendri. Irène avait enseveli son secret avec elle, et il regarderait les restes de son amour glisser au tombeau. Le lendemain, en descendant du train, Michel Didier aperçut un groupe de personnes qui, comme lui, s'étaient rendues à X-sur-Seine. Il les connaissait presque toutes, mais il les avait négligées pendant de si longues années, qu'il retrouva avec quelque gêne. Ils se rendit seul à pied au village. Le sol était gras, détrempé par une pluie récente de rangées de peupliers, frôlées par un souffle d'air matinal, s'inclinait de chaque côté de la route. Michel regardait devant lui le sommet du clocher, et à mesure qu'il approchait et que les cloches vibraient plus gravement à ses oreilles, une émotion et une curiosité s'éveillaient dans son cœur. Reconnaîtrait-il en lui-même quelques vestiges de sa passion et un peu de jeunesse? Il se figurait parfois qu'Irène allait le recevoir, qu'elle serait là, qu'elle l'accueillerait avec une jolie mine railleuse, où flottait la promesse du pardon. En même temps, il rêvait à sa femme et à ses enfants. Le passé se mélangeait avec l'avenir dans une confusion très triste. Devant l'église stationnait le corbillard du village. Sur le portail, les tentures étaient ornées des initiales d'Irène de N. Les cloches se turent. Pendant la messe, les litanies bercèrent Michel. Au cimetière seulement, en pleine campagne, il eut la sensation qu'Irène était morte. Une pluie fine, qui n'avait cessé de tomber, s'arrêta. Un long rayon de soleil filtré à travers l'espace humide. Un merle siffla. Des moineaux se sauvèrent. Sur leurs épaules robustes, 4 hommes emportèrent le petit cercueil rustique qui contenait la forme légère d'Irène. Elle disparut dans le caveau de la famille de N. Le prêtre jeta de l'eau bénite et récita les oraisons rituelles. Michel le considéra. C'était sans doute le confesseur de la morte. Monsieur de N paraissait accablé, et Michel s'éloigna après l'avoir salué. Soudain, une main se posa sur son épaule. Il se retourna. « Ah » fit-il, « c'est toi, mon cher Norbert. » François Norbert était son contemporain et son camarade aux Beaux-Arts. « Tu es venu par le même train que nous, sans doute, » répondit Michel, « à 10h45. Mais je suis arrivé à la dernière minute et je suis allé à pied de la gare à l'église. Je ne t'ai pas remarqué en arrivant. Déjeunons ensemble, veux-tu ?» Ils pénétrèrent dans une auberge où des paysans, au retour de l'enterrement, buvaient un verre de vin. Ils s'assirent au fond de la salle, à l'écart. « Tu as faim ?» questionna François Norbert. « Ma foi, non. Pourtant, il est plus d'une heure. » Ils causèrent. Michel voulait des détails sur la mort de Madame de N. François lui raconta que depuis 6 ou même 7 ans, sa pensée s'était fort altérée. Une pneumonie l'avait enlevée en 8 jours, mais elle s'en allait de consomption. Michel observa qu'elle paraissait très heureuse. « Elle le paraissait, » insista Norbert. « Je crois qu'elle ne l'a jamais été. » Michel avait allumé une cigarette et affectait une parfaite indifférence pour tout ce que pouvait lui dire son camarade. Mais il était troublé, et il ne voulait pas s'abandonner à cette nostalgie qui l'importunait. Une obsession morbide pesait sur sa pensée. « Et toi ? » demanda-t-il à François Norbert. « Tu es content ?»« Assez. Tu sais que je suis marié depuis 2 ans. » « Tu m'as envoyé un mot et je t'ai répondu. Depuis, nous ne nous sommes guère rencontrés. En effet, depuis que Madame de N. ne recevait plus ou que tu n'allais plus chez elle, j'étais si occupé. Les nouvelles relations de ma femme, mille soucis. D'ailleurs, dit François, moi-même je ne fréquentais plus son salon. Ils se turent. Ce silence les gênait. Sortons, proposa Michel. Nous irons à la gare en nous promenant. Il tombe de la bruine. Tu ne t'en soucies pas plus que moi. Aucunement. Il n'est que 2 heures. Nous pourrions passer devant la propriété de N. C'est un détour, mais nous n'avons pas de train avant 5 heures. Je ne demande pas mieux, acquiesça François. La route était déserte. Devant le cimetière, les roues du corbillard avaient creusé 2 sillons profonds dans la glaive jaune et luisante. Ils prirent un sentier et marchèrent l'un derrière l'autre en se retenant parfois aux arbres pour ne pas glisser. La propriété de M. de N. s'élevait à mi-côte sur la lisière de la forêt. Michel et François retrouvèrent, en se consultant l'un l'autre, leur chemin sous les taillis. Les branches grêles d'hiver se croisaient sur le ciel gris et la pluie, qui ressemblait à une dentelle, descendait à travers, lentement. Parfois une goutte d'eau tombait sur la terre et troublait le silence mélancolique. Les deux amis arrivèrent au seuil du jardin, devant une porte antique de fer à claire-voie. Elle était fermée. Ils s'arrêtèrent et, pour se donner une contenance, ils restèrent immobiles, à regarder le lointain, le vallonnement boisé, coloré par l'espace mouillé, et en bas, la Seine glissant dans ses méandres très longs. « C'est beau, » opina Michel. François Norbert ne répondit rien. Michel se retourna. Son compagnon tenait la grille de ses mains, la tête serrée entre 2 barreaux. Par-dessus son épaule, masquée par un bosquet, la maison apparaissait, mystérieusement fermée, avec ses contrevents rabattus. Tout dormait, d'un muet et paisible sommeil. Cela existait pourtant, l'entrée fleurie, en été, le jardin au sable mou. Irène elle-même y avait vécu. Michel Didier était saisi tout entier par un souvenir réel. « Là-bas, » prononça-t-il d'une voix qui tremblait un peu, « derrière la pelouse, il doit y avoir un tilleul. Ta mémoire ne te trompe pas. Madame de N., je crois, aimait ce coin retiré. Il me semble l'y avoir vu. » Un soupir, puis un sanglot lui répondirent. François Norbert avait posé son front contre son coude replié. Maintenant il pleurait et ne cherchait plus à s'en cacher. Une jalousie douloureuse s'éveilla dans le cœur de Michel. Pourquoi ces larmes? Que s'était-il passé? Irène en aurait-elle aimé un autre que lui? Avec son égoïsme d'amant sceptique, il s'irritait, à présent, d'être venu, d'avoir cédé à cet accès de pitié qu'elle ne méritait pas. Mais François, séchant ses yeux et ses joues baignées de pleurs, saisit le bras de Michel et s'y appuyant. « Partons, et pardonne-moi cette faiblesse. Je suis en vérité bien inconsidéré, bien sentimental. J'ai confiance en toi, tu ne me trahiras pas. D'ailleurs, il n'y a rien à trahir que la chimère d'un homme malheureux. » Michel l'entraîna doucement vers le chemin qui, sous le dôme des chênes, descend vers la vallée. Parfois, au détour, un sapin plus sombre reculait l'horizon et rendait plus métallique le reflet du cours de la Seine. François Norbert se recueillit, puis il parla d'une voix basse qu'il essayait de maîtriser. « Tu connais de N. Tu sais son hospitalité cordiale. Il y a 6 ans, il m'avait invité chez lui, à la campagne, ici. Les parents d'Irène étaient auprès d'elle, mais elle demeurait plongée dans une tristesse d'où rien ne pouvait l'arracher, pas même sa dévotion religieuse. J'étais lié avec sa famille de longue date. Elle me reçut comme un camarade d'enfance. Mes boutades et mes paradoxes ne l'importunaient pas. Elle m'écoutait, et M. de N. en fut si enchanté qu'il me pria, qu'il me supplia de rester quelques jours encore, lui-même étant obligé, sans cesse, de se rendre à Paris pour ses intérêts. Un attrait invincible me fit accepter. Je n'en connaissais pas alors le charme perfide et mon séjour se prolongea plusieurs semaines. Je croyais rêver. Nos entretiens nous entraînaient des heures entières et nous bavardions de toutes choses. Je découvrais une Irène que mon affection, fraternelle jusque-là n'avait pas deviné. Nous évoquions les souvenirs d'autrefois, et souvent ses parents nous interrompaient avec un bon regard qui me semblait dire « Avec nous, elle est heureuse ». J'étais chastement séduit par elle. Irène m'avoua le chagrin de sa vie, l'abandon, l'isolement de son âme et de son foyer. Elle se confia à moi, naïvement peut-être. Je m'y laissais prendre et je m'imaginais qu'elle pourrait m'aimer. Elle ne t'aimait pas, interrompit Michel malgré lui. Non, répondit François, non. Irène était l'honneur et l'honnêteté même. M'eût-elle aimé, qu'elle m'aurait éloigné, mais elle ne m'aimait pas, j'en suis certain. Peut-être. Quoi ? Questionna de nouveau Michel. Jamais, je te le promets, je ne reçus d'elle aucune confidence qui pût me mettre sur la trace d'un secret. Mais je le sentais là. Il rôdait autour d'Irène, il flottait autour de sa pensée, comme le long voile qui estompait les contours de son visage. Je n'interrogeais point. Les demandes brûlaient mes lèvres et je les étouffais. Je m'étais juré d'être pour elle l'ami de tous les instants, l'ami désintéressé. C'est alors que je me rendis compte que je l'aimais. J'aurais dû partir à ce moment-là. Le désir de la consoler, le besoin d'être compris me retint auprès d'elle. Il me suffisait de la voir pour deviner son tourment, et souvent, sans qu'elle eût à prononcer une parole, je lui racontais l'objet de son souci. Nous en étions arrivés à vivre de la même vie, à concevoir des pensées identiques. J'eus la faiblesse de lui confesser un amour qui m'occupait tout entier. C'était par un soir tiède d'été. Elle était assise au pied du tilleul. Elle se leva. « Mon pauvre François, me dit-elle, pourquoi vous égarer ? Je ne saurais vous aimer. Je ne sais pas aimer. » Et tout bas, « Le bonheur est anéanti, soupira-t-elle. Le bonheur, ne nous occupons plus de lui. » Que signifiaient ces mots ? Un autre avait-il déjà blessé ce cœur, le plus noble qui fût ? Je l'ignore, mais je le crois. Notre intimité était rompue et je quittais enfin Irène. Son âme vacillait et s'éteignait lentement. C'est ainsi qu'elle est morte. Dans la pénombre pluvieuse et précoce, les deux camarades approchaient de la gare. Les lumières brûlaient. Sur le quai, quelques silhouettes de femmes et d'hommes erraient dans l'encadrement des talus que l'on distinguait encore. Michel Didier et François Norbert montèrent dans un compartiment avec d'autres voyageurs. Ils ne causèrent pas. Michel pensait qu'Irène n'avait jamais cessé de l'aimer, et il se représentait le cimetière fermé et désert avec cette grave sépulture murée dans laquelle reposait Irène. Autour d'elle régnait la même solitude que dans sa vie. Les mêmes créatures mortes l'entouraient pour l'éternité. Un peu avant Paris, Michel appela François dans le couloir du wagon. « Tu es heureux maintenant ? » lui demanda-t-il. « J'ai épousé une femme charmante, » murmura François. « Mais la seule que j'ai vraiment aimée, la seule, c'est Irène. Nous étions nés l'un pour l'autre. » Le train stoppait. Sur le débarcadère, ils virent M. de N qui rentrait aussi et ils se hâtèrent pour le dépasser. Il les arrêta. « Merci, » murmura-t-il. « Merci encore de m'avoir donné ce témoignage de votre sympathie. Notre pauvre Irène, vous qui l'avez connue, vous savez ce que j'ai perdu avec elle. » Et leur serrant les mains, il ajouta. « Nous nous adorions. » Les trois hommes se dispersèrent dans la ville, mais là-bas, au fond du jardin, la brise de la nuit remuait doucement les branches du tilleul. Albert-Émile Sorel.